Excellente soirée à toutes et tous. Voici tout de suite l'émission d'RVU. N'oubliez pas, prochaine soirée, Remember of Past, l'événement incontournable. Ce sera du côté du Tweedcastle, comme d'habitude, lieu mythique maintenant pour ces soirées. Et ce sera le 6 mai, juste avant, le 6 juin, pardon. Et juste avant ça, début mai, d'ailleurs, RVU aura l'occasion de vous le redire. Il sera du côté du Bar Sicosi pour une soirée spéciale sur Boucron, donc début mai, donc d'ici quelques semaines. Bonne soirée à tous. Il est 20h30 précise. Voici tout de suite RVU. Juste après, ce sera écoutez, tout simplement le programme du mercredi soir, mardi, pour l'émission Electrochoc. Et puis la rediffusion de Prélude, histoire de bien terminer la soirée tout en douceur. Bonne soirée à tous. Remember of Past, RVU sur Galaxy. Remember of Past, RVU sur Galaxy. Bye.

RVU sur Galaxy.

feel like I'm fading from the lack of love. Hey!

yourself. Is it right or is it wrong? That the message in the music is to make you feel so strong. Relax your body. Come on and let your body move. It's time to get into the groove. Come on and let your body move. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Relax your body. Relax your body. Relax your body. Relax your soul. Move your body. You keep thinking to yourself, is it right or is it wrong? For me to feel so strong when I listen to the song. And the message in the music is to make you feel so strong. So let your body move. Relax and get into the groove. Come on. Come on. Move your body. Move your body. Move your body. Move your soul. Relax your body. Relax your soul. When I feel the rhythm come, I wanna dance to the beat. Is it so possible for me to feel the beat? Relax your body. Relax your soul. Relax your body.